Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur Fadjet94.2 ou Fadjet.net et c'est l'heure de l'émission des bons plans solidaires avec le groupe Solidaire Actif de l'association Arelia. Comme chaque mois, nous allons tenter de vous divertir et de vous informer au travers de nos chroniques, des infos locales et de musique. Pour cette émission, et puisque nous sommes en décembre, nous ferons donc une spéciale fête de fin d'année en ne vous donnant que des infos pratiques, gratuites et solidaires. Pour cela, la Dream Team qui est avec moi a bien travaillé et est prêt dans les starting blocks. D'abord, bonjour Tao. Bonjour Lionel. Tu as animé l'émission avec toi, t'es en forme ? Eh bah oui, je suis très en forme. Écoute, c'est un honneur pour cette deuxième, c'est la deuxième fois que j'anime avec toi. Alors, nous aurons aussi Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors, on aura aussi Yamina. Bonjour Yamina. Bonjour. Alain, salut Alain. Bonjour Olivier, ça. Et le petit nouveau Yannick. Salut Yannick. Bonjour. Tout le monde est prêt ? Oui. Allez, c'est parti. Super. À toi Tao. Alors, petit rappel, demain 9 décembre, n'oubliez pas le défilé de Saint-Nicolas, avec cette année une surprise de taille que nous réserve apparemment la mairie. Hein, ils ont commencé à faire un peu de communication autour de ça et qui nous cachaient une surprise. De quoi cela va-t-il bien s'agir ? Nous ne le savons pas. Rendez-vous donc tous dans les rues du centre-ville et à la place Stanislas à partir de 17h30. À côté de cela, les marchés de Noël, les animations et illuminations se poursuivent dans les quartiers de Nancy et dans les villes de la métropole jusqu'au 7 janvier. Donc, il y aura du rap pour tout le monde, même si vous loupez... les fêtes, eh bien, voilà, jusqu'au 7 janvier, donc ça continue un peu. Le mieux est de vous renseigner auprès de l'Office du Tourisme de Nancy ou dans les mairies de votre commune, si vous voulez plus de détails. Deux nouveautés cependant, la première sera les 16 et 17 décembre, où des artisans d'art seront présents à l'hôtel de ville de Nancy pour offrir ou vous offrir le plaisir de cadeaux de qualité réalisés par des créateurs tous professionnels ou dans leur métier dans le cadre de Gare à l'art. La seconde sera l'art et la manière, un marché de Noël des artistes et artisans d'art qui prend la suite du Petit Bazar qui nous a malheureusement quittés, qui ouvrira à l'Octroi de Nancy le samedi 16 décembre de 16h à minuit et le dimanche 17 décembre de 11h à 20h. Artisans, expos, concerts, bref, un super rendez-vous à ne pas manquer. Enfin, au marché de Saint-Nicolas, l'association Gango propose un marché de Saint-Nicolas en musique dimanche 17 décembre de 10 à 19h à la brasserie du Parc Sainte-Marie. Comme vous le voyez, c'est la période pour faire de belles sorties, de belles balades, avec vos pulls et bonnets de Noël et quelques bons achats. Mais attention au régime, les gourmands. Oui, Tao, tu es très gourmand. Ah, extrêmement gourmand. Donc on s'arrêtera au chalet. D'accord. Allez, tu continues la suite, tu prends le relais. Alors j'ai avec moi aussi Yannick. Bonjour Yannick. Rebonjour. Alors Yannick, je crois que tu vas nous parler d'une exposition, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. C'est l'exposition Extrême Sport à la Galerie Poirel du 23 novembre au 11 février. Ça se situe rue Poirel à Nancy. L'entrée est gratuite. C'est une exposition proposée par l'ENSA de Nancy, le Musée des Beaux-Arts, la Ville de Nancy et la Galerie My Monkey. C'est un projet labellisé Olympiade culturelle Paris 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour cette exposition d'une vingtaine d'œuvres, le sport est en vue. Comme une analogie avec l'effort créatif, il y a de la compétition, de la performance, mais aussi du collectif, de la dépense physique et mentale. Extrême Sport s'articulera ainsi autour de la notion de travail en équipe, de la performance, de la collaboration, et cela pourra aussi être une analyse et une critique de la société actuelle. Elle évoquera la transformation du rapport à notre corps, notamment par le passage d'une pratique collective du sport à une pratique individuelle dans les salles. Eh bien, dis-moi Yannick, tout ça est très intéressant. Je pense qu'on devrait peut-être s'y rendre avec une petite sortie du GSA. Ah bah voilà, du sport et de l'art. Parfait, le fond, la forme, il y a tout dans cette exposition. C'est très très intéressant, nous irons sûrement jeter un coup d'œil. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et nous sommes avec Yamina. Bonjour Yamina. Bonjour. Alors dis-moi Yamina, je crois que tu es venue nous parler d'un mapping, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Mapping, la légende de Saint-Nicolas, chaque soir à la tombée de la nuit, jusqu'au 7 janvier à 18h en semaine et 18h et 19h, les samedis, la façade de l'hôtel de ville prend vie grâce à la légende de Saint-Nicolas, spectacle, son et lumière, vidéo, grand format poétique et immersive, porté par une douce voix de la chanteuse Laura Cayenne. Oh, et bien tout ça est très intéressant. Dis-moi Yamina, j'ai cru entendre dire, des petites voix m'ont dit, tu es déjà allée voir du coup ce mapping ? Oui, avec mes enfants. Alors qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Bah, c'est chouette, ça leur apprend la légende de Saint-Nicolas. Oh, donc il y a un aspect éducatif aussi, du coup, sur la culture locale. Oui, c'est chouette. Merci beaucoup Yamina, et n'hésitez pas à aller assister à ce mapping du coup de la Saint-Nicolas. Merci. Il est désormais temps de faire notre première pause musicale avec un petit son de Noël qui est sorti il y a quelques jours du groupe américain Blackmore Night et dont la chanson s'appelle Christmas Eve. On l'écoute et on se retrouve juste après. Say goodbye to November. She must be on the way. The cold winds of December feel like they're here to stay. Me, I'll just count the snowflakes as they start to fall. Getting lost in the beauty, the magic of. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 pour l'émission des bons plans solidaires et nous sommes avec notre plus ancien chroniqueur, que dis-je, un vétéran des bons plans solidaires. Bonjour Alain. Bonjour. Alors je crois que tu as une petite chronique à nous présenter. Bonjour pour tous ceux qui nous écoutent. Exposition Playmobil dans les serres du jardin botanique de Villers-les-Nancy jusqu'au 7 janvier. Sur le même thème, des décorations et plans de Noël dans le monde, avec une décoration illustrée par des centaines de Playmobil, entrée gratuite pour les moins de 25 ans et gratuite pour le dimanche 3 janvier. Une exposition à ne pas rater qui réjouira petits et grands. Ah, eh bien, ça m'a l'air très sympathique, ça, hein, comme exposition, plein de Playmobil, des plantes. Et dis-moi, je crois que tu as une seconde chronique à nous présenter. Les enfants du Père Potard, après-demain, dimanche 10 décembre, de 10h à 18h, place Stanislas, l'entrée est gratuite. Longtemps resté dans l'ombre de la Saint-Nicolas, le Père Potard et ses enfants, prenant la lumière le temps d'un flash mob, dessinés. Cette année, ce sont précisément les lumières du 18e siècle qui inspirent les enfants du Potard. Je trouve ça très intéressant, dis donc, qu'on découvre un petit peu l'envers du décor de ces enfants du Père Potard dont personnellement je n'avais jamais entendu parler. Comme quoi, la légende a toujours des choses à nous faire découvrir. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et nous accueillons Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Françoise qui a aussi une chronique du coup à nous faire dans le cadre de cette émission des bons plans solidaires. Le samedi 23 décembre de 15h à 17h, grand salon de l'hôtel de ville, mairie de Nancy, gratuit, sans réservation. Il est conseillé de venir en avance à l'occasion des fêtes. En fin d'année, dans les grands salons de l'hôtel de ville, venez vous réchauffer les oreilles et le cœur en concert de Noël de l'harmonie nancéenne, dans un programme alternant entre les chansons festives, les musiques de films de Noël, l'exploration du répertoire religieux contemporain, un concert joué par les instruments avant et à percussion pour tout public, dans lequel les enfants et la famille seront les bienvenus. Alors voilà. Françoise, ouais, excellente chronique, il ne faut pas la rater, venez à l'avance parce que les salons de l'hôtel de ville sont assez restreints, donc venez à l'avance, vous allez voir vraiment un joli concert avec des musiques modernes et des musiques plus traditionnelles. Voilà, merci Françoise. Et maintenant il est temps de faire notre seconde pause musicale avec une chanson de Bob Dylan qui sent bon les marchés de Noël, la gourmandise, le bonheur et même les bars à bière. La chanson s'appelle « Must Be Santa ». On l'écoute, on se retrouve juste après. Who's got a beard that's long and white? Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa. Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his head, suit that's red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho! Santa laughs this way. Ho ho ho! Ho ho ho! Cherry nose, cap on head, suit that's red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. toujours sur Fadjet 94.2, Fadjet.net, pour l'émission Les bons plans solidaires de l'association Aurélie et du groupe Solidaire Actif. Nous attaquons la troisième partie de l'émission. On retrouve une nouvelle fois Françoise, qui, je crois, tu as nous raconté une belle animation gratuite qui aura lieu à Nancy. Saint-Nicolas dans un bateau, c'est bien ça? Le 16 décembre, de 16h30 à 19h, Saint-Nicolas dans un bateau. Canal de la Marne du Rhin gratuit, 16h30 à Saint-Nicolas. Cela sera présenté au parking Keller au Faubourg des Trois Maisons. À 17h30, le bateau de Saint-Nicolas fera un arrêt sur le canal derrière l'Hyère. Elle sera rejointe par le dragon boîte, les kawaks, et les autres embarcations lumineuses qui illumineront le canal lors d'une balade poétique, accompagnée de cortèges des enfants, des écoles avec leurs lanternes au rythme des fanfares. Direction le port de plaisance Saint-Georges et le port Sainte-Catherine, après la remise de l'ancre de la ville à Saint-Nicolas par Monsieur le maire de Nancy, à finale avec feu d'artifice, sera tiré depuis le port Sainte-Catherine. Chocolat chaud, jus de pomme et soupe sur place. Eh bien voilà, une après-midi qui va être à mon avis sympa et où il y aura beaucoup de monde. Merci Françoise de ces bonnes infos. Et maintenant, on va retrouver Tao. Pour toi aussi, mm-hmm. Je crois, tu as une bonne info à nous donner pour les fêtes. Alors oui, comme chaque année, les membres du GSA d'Aurélia proposent à tous les Nancéens et bien au-delà son programme Noël Ensemble, trois émissions de Noël sur Fadjet, hein, 94.2 ou Fadjet.net. Alors cette émission, tout d'abord, la première, le soir du réveillon de Noël. Nous serons tous ensemble pour la veillée de Noël avec plein d'anecdotes, de souvenirs, de micro-trottoirs et plein de chants de Noël en live. Ce sera ensuite le lundi 25, deux émissions, Noël d'enfance et Noël d'enfance, avec plein de témoignages de petits bouts de choux qui diront comment Noël est magique, mais aussi avec plein de petits récits présentant les traditions de Noël dans toutes les régions de France. Le tout avec des chansons standards françaises et en live autour du thème de Noël et de l'hiver. Il y aura pour terminer ces deux belles journées une troisième émission autour de Noël dans le monde avec plein de chansons venues des quatre coins de la planète et des traditions de Noël dans ces pays lointains. Un beau voyage en perspective! Ce programme est gratuit à écouter tranquillement chez vous, bien au chaud, avec un plaid, sur votre banquette ou en préparant un bon repas, les 24 et 25 décembre, donc, comme je le disais, sur Fadjet 94.2, puis un podcast sur Fadjet.net dans la rubrique Fadjet, les bons plans solidaires. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël à tous, avec Fadjet et le GSA. Merci Tao. Nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission, mais il reste encore, non, c'était pas moi de le dire, c'était à Tao. Donc on va mettre à jiggle quand il a fini de dire et le GSA. Alors nous allons arriver à notre dernière chronique, celle de Lionel avec son célèbre jeu Les anniversaires des stars. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour. Vous connaissez le principe du jeu, moi je connais la star dont l'anniversaire est en décembre. Je vous pose des questions, vous me posez des questions, pardon. Je réponds par oui ou par non. Si c'est oui, vous pouvez faire une proposition. Si c'est non, c'est quelqu'un d'autre qui pose la question à son tour. Vous êtes prêts? Alors, première star, c'est parti. Est-ce qu'il fait partie d'un groupe ou il chante tout seul? Pas du tout. Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme. Est-ce qu'il a un certain âge? Il a un âge certain, oui. Celui de son anniversaire. Qui est d'ailleurs aujourd'hui. Chanson française? Pas du tout dans le domaine de la chanson. Le théâtre? Oui. Il est très connu au niveau du théâtre, mais il est connu aussi au niveau du cinéma. Je vous donne un indice. C'est rigolo? Ou triste? Oui, oui. Non, il a joué de grands rôles plutôt sérieux, mais il est très connu aussi pour avoir participé à un film qui s'appelle Le Dîner de cons. J'ai été voir déjà. S'il a un certain âge, est-ce qu'il a... Il est chauve? Non. Donc ça serait plus... j'ai perdu le nom. Alors je peux vous dire que c'est ni Jacques Villeray... Ouais, c'est que je pensais, mais ni, c'est Thierry, vrai, du coup. Ni Thierry Lhermitte. Pas Thierry Lhermitte, donc voilà. Vous ne trouvez pas? Non. Une fois, deux fois, il s'agissait de Francis Huster, qui est né aujourd'hui le 8 décembre. Et qui... Marie Cocu, je crois. Voilà, donc qui est né aujourd'hui le 8 décembre et qui a donc 76 ans. Alors, on continue. Oui. Allez, je vous donne un indice, c'est un Français qui est né en décembre. C'est parti, à vous. Est-ce qu'il est toujours vivant? Oui. Bah, vu qu'il fête son anniversaire, mieux. C'est un chanteur? Oui, c'est un chanteur. On repart dans la musique cette fois. Ouais. Il habite la France? Ah bah oui, il habite la France, oui, c'est un chanteur français. Récemment, est-ce qu'il a chanté, là? Oui, il chante régulièrement. Un nouvel album ou quelque chose comme ça en ce moment? Non, je crois pas qu'il a fait de nouvel album, mais par contre, il fait des concerts dans des endroits un peu spéciaux depuis quelques années. Ah, dans des églises. Peu. C'est pas Renaud? Non, c'est pas Renaud. Si je vous dis le cœur Grenadine... Ah! Si je vous dis Rock Collection. Oui, ça y est. Ah, vous le dites? Voilà. Oui, bravo Yannick. Oui. Allez, on continue avec le troisième et avant-dernier célébrité. Allez, je vous donne ta date de naissance. Donc Laurent Voulzy est né le 18 décembre. Lui, il est né le 20 décembre 1998 et donc il va fêter ses 25 ans. C'est une femme ou un homme ? C'est un homme. Chanson ou film ? Ni chanson, ni film. Théâtre ? Pas de théâtre. Écrivain ? Pas d'écrivain. Sport ? Oui, il est dans le sport. Il aura 25 ans. Est-ce qu'il se présentera aux Jeux Olympiques ? Il aimerait bien. Pour l'instant, c'est pas aussi officiel, mais il a très envie de faire les Jeux Olympiques. Il est métis. Dans quel sens c'est pas officiel ? C'est pas un sport olympique ? Si, c'est un sport olympique. Donc c'est juste qu'il n'a pas été sélectionné. Pour l'instant, ils hésitent. Mais lui, il a très envie de le faire. Est-ce qu'il fait du vélo ? Non, pas du vélo. La course ? Pas de la course. Le foot ? Ah, au football, du foot. Peut-être. Ouais, il faisait du foot. Il est grand ? Ouais, il est grand. Il est beau. Il est costaud. Il joue au foot. C'est une star. C'est Kylian Mbappé qui aura 25 ans dans quelques jours. Allez, on termine avec notre dernière célébrité. Attention, lui, je vous donne un indice. Il est né le 25 décembre. Bah, le petit Jésus. Oui! Excellent, Yannick! C'est le petit Jésus qui est le 25 décembre. Voilà, il est temps de faire la conclusion de l'émission. Tao, je te laisse la parole. Nous espérons que vous avez passé une bonne émission en notre compagnie. Alors, j'aimerais du coup remercier Lionel qui a co-présenté l'émission avec moi. Merci. Françoise pour ses chroniques. Merci. Yamina. Merci. Alain. Merci. Yannick. Merci Tao. Voilà, merci à tous et merci à vous de nous écouter. Nous nous retrouvons pour nos émissions spéciales Noël les 24 et 25 décembre sur Fadjet. Et rendez-vous vendredi 12 janvier pour notre prochaine émission des bons plans solidaires. Même endroit, même heure. Vous allez retrouver le 13 en forme et toute l'équipe pour les actus et le mag. Nous vous souhaitons toutes et tous de joyeuses fêtes et toute l'équipe vous souhaite un joyeux Noël. A très vite, ciao, bye bye.